الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله l'explication en langue française du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم لشيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc on s'est arrêté à la sourate Ar-Rum. Le Cheikh aujourd'hui il va nous expliquer un verset de sourate Ar-Rum qui est bien sûr la sourate des Romains. Le verset expliqué c'est le verset 41. Verset 41. يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Afin, entre parenthèses, qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Ça c'est le verset 41. Yaqul al-shir fussira al-barru bil-fayafi wa fussira al-bahr aw fussira al-bahru bil-amsar wal-qura hakaw ibn kathir fi tafsirih an ibn abbas wa akrimah wad-dhahhak wa suddi. Ici on a un terme, on a exactement deux termes ici dans la traduction. Ils ont dit la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Donc c'est la traduction du terme al-bar ou al-bahr. C'est-à-dire à son sens premier. Al-bar, à son sens premier, c'est la terre. C'est tout ce qui est en dehors en fait de la mer. Et al-bahr, c'est son contraire. C'est en fait la mer elle-même. Taïb. Ici, il va nous dire le shir que l'explication qui est donnée par beaucoup de savants, et il nous cite Ibn Abbas, également Ikrima, Wad-Dahhak et d'autres encore, et ces savants-là, ils ont un avis, et ils donnent une explication. Ils disent tout simplement que Al-Bar, que l'on traduit donc ici au sens premier par la terre, veut dire Al-Fayafi. Qu'est-ce que Al-Fayafi ? C'est en fait la terre qui est considérée comme déserte, yani le désert. On pourrait traduire par Sahara, c'est-à-dire le désert, une contrée qui n'est pas habitée, qui est déserte. Donc ça traduira en fait Al-Bar. Et Al-Bahr, que l'on traduit donc au sens premier, qui est la mer, son explication est Al-Amsar. On veut par ce terme-là Al-Amsar ou Al-Qura, c'est-à-dire donc les villes, les villages, les cités, c'est-à-dire les endroits qui sont peuplés. Donc on voit une opposition dans le sens entre ces deux termes, al-bar ou al-bahr. Donc, d'après cette explication qui nous est donnée par ces grands savants du tafsir, et parmi eux à leur tête Ibn Abbas, on voit donc que al-bar a pour signification la contrée déserte, ce qui est désert, inhabité. Contrairement à al-bahr qui a pour ici signification Al-Amsar, Al-Qura, les villages, les villes, les cités. Ce qui est donc peuplé, et donc on voit que les deux termes exactement sont en opposition. Donc on voit qu'il y a une deuxième interprétation qui nous est donnée ici, et la première interprétation elle a été également donnée par certains savants, et c'est ce qui apparaît dans la traduction, c'est-à-dire on va le prendre au sens premier. Et vous savez bien sûr que la langue arabe elle est très très riche. Et Al-Bahr, qui est bien sûr, que tout le monde connaît, veut dire la mer, veut vouloir dire dans certains cas, comme c'est ici le cas, Al-Amsar ou Al-Qura, c'est-à-dire les villages, les villes, les cités, comme on l'explique. Et il nous dit donc وَحَكَى عَنْ آخَرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَرِّ الْبَرُ الْمَعْرُوفُ وَالْبَحْرُ وَبِالْبَحْرِ الْبَحْرُ الْمَعْرُوفُ وَبِالْبَحْرِ الْبَحْرُ الْمَعْرُوفُ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là donc Ibn Kathir, il nous cite donc le deuxième avis qu'on a dit, ou le premier avis. C'est-à-dire que certains savants ont pris au premier sens, c'est-à-dire ce qui est connu. Lorsqu'on dit Al-Bahr, ce qui est connu, c'est la terre ferme. Et Al-Bahr, ce qui est connu, c'est la mer. Donc voilà. Et ensuite, il dit, lui, Donc Ibn Kathir, il dit wal qawl al awwal azhar, c'est-à-dire que la première, c'est-à-dire que la première, le premier avis est plus apparent et pour lui donc plus proche de la vérité. C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir al qawl al awwal azhar wa alayhi al akthar, c'est-à-dire la plupart des savants, la plupart des savants ont pris cette parole-là. Donc ceux qui disent que Al-Bar, c'est le désert, et Al-Bahr, c'est les villages, les villes, les cités, comme on l'a expliqué. Et il nous dit donc qu'il va appuyer cela. Ibn Kathir, comme tous les autres savants, et qui est bien sûr un grand mufassir, lorsqu'il donne son avis, il vient appuyer par une preuve, et cette preuve-là vient faire la différence. Cette preuve-là vient faire la différence. Et quelle est cette preuve? C'est le hadith qu'il va nous citer. Ou plutôt un khabar, c'est-à-dire une information qu'il va nous citer. Yaqul wa yu'ayyiduhu ma dhakara Muhammad ibn Ishaq fi as-sirah anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaha Malik Ayla aw Ila wa kataba lahu bi bahrihi ya'ni bi baladihi. Donc ici on voit qu'il va venir appuyer ce qu'il a dit, c'est-à-dire son choix par rapport à ces deux avis, par une information qui nous est donnée par Mohammed ibn Ishaq et qui fait partie des grands savants de la Sira, de la biographie. Donc, lui, il rapporte dans son livre une information à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a établi un pacte salaha, c'est-à-dire il a fait ce qu'on appelle un surh avec le roi de Ayla. Ayla, donc, une ville qui se trouve en Palestine. Et certains même disent que c'est l'endroit où se trouve Al-Quds et qui s'appelait à l'époque Ayla. Wa kataba lahu bi bahri, et il lui a informé que cette contrée ou cette ville restait dans sa royauté, c'est-à-dire restait sous son contrôle. Wa kataba lahu bi bahri, c'est al-ma'na. Et donc le terme qui est employé ici, wa kataba lahu bi bahri, et il dit ya'ni bi baladi, c'est-à-dire il veut dire par là sa ville. C'est pour ça qu'il donne l'explication ya'ni bi baladi. Donc on voit ici ce qui vient appuyer le terme employé dans le verset, et que al-murad, la signification, c'est bel et bien la ville ou les villes, les cités, comme on l'a cité. Et également on va voir que dans le Sahih al-Bukhari, donc ce qui vient encore appuyer encore plus cette parole-là et cet avis, on va voir que dans le Sahih al-Bukhari, l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, qu'il y a également une information, et qui est la suivante, khabar. Wa fi Sahih al-Bukhari, qawlu Sa'd ibn Ubadah, radiyallahu anhu, fi Abdullah ibn Ubay. C'est-à-dire la parole de Sa'd ibn Ubadah, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, par rapport à Abdullah ibn Ubay. Comme vous savez, Abdullah ibn Ubay, il faisait partie, bien sûr, min ras al-munafiqin, c'est-à-dire il faisait partie de ceux qui étaient à la tête des munafiqin, des hypocrites, et qui étaient bien sûr dans la ville, qui habitaient dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que vienne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit ici dans ce khabar qu'il allait être désigné comme le roi, qu'il allait être désigné comme le roi de cette contrée, Médine et aux alentours. Et vous savez qu'il y avait entre les gens de Médine, il y avait des guerres, et donc pour mettre fin à ces guerres-là, ils avaient décidé de choisir un roi qui lui ferait donc pacte et qui donc ferait régner, donc on va dire, l'égalité entre ces peuples, entre les peuples, et également il ferait régner donc la paix. C'est pour ça qu'il cite « وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِي الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهُ فَيُعَصِّبُهُ بِالْعَصَابَةِ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِي الْبُحَيْرَةِ. Donc le terme ici « وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِي الْبُحَيْرَةِ », c'est-à-dire que le terme istalaha, c'est-à-dire qu'ils ont fait également ici un sulh, ce qu'on appelle un sulh, c'est-à-dire qu'ils ont donc eu un accord, et ils ont fait un pacte. Ahlu hadhil buhayra, c'est-à-dire les gens, donc le terme ici employé, al-buhayra, et qui est tasghir al-bahr, tasghiru al-bahr, tayyib al-buhayra. Donc on pourrait traduire, si on prenait donc le terme au sens premier, on pourrait traduire une petite mer. Vous savez donc en langue arabe, lorsqu'on a un procédé linguistique qui permet d'exprimer un terme lorsqu'on veut par ce terme ce qui est plus petit que le terme initial. Par exemple, le terme bahr, ça veut dire la mer, donc ça peut être assez grand, la mer. Et lorsqu'on dit buhayra, c'est donc la petite mer, etc. Donc, Ahlu Hadil Buhayra, le terme ici Buhayra, il veut dire par là Al-Medina. Al-Medina Tun Nabawiya, c'est-à-dire la ville prophétique, Médine. Al-Buhayra. Et comme on l'a expliqué, qui est le tasrir de Al-Bahr. Ala an yatawajjuhu, na'am. An yatawajjuhu, fayu'assibuhu bil'asaba. Donc, il se dirige, et qu'il se dirige donc vers Abdullah ibn Ubay, qui était donc à la tête des munafiqin, pour que fayu'assibuhu bil'asaba, c'est-à-dire une expression qui veut dire qu'ils allaient le couronner. Et donc, ils allaient le prendre comme roi, comme chef. Et c'est pour ça, bien sûr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, et vous savez ce qui s'est passé, il y a eu très, bien sûr une grande, grande jalousie de la part d'Abdullah ibn Ubay, qui s'est vu en fait prendre, sous-entendu, le pouvoir dans cette ville. Wallah al-Musta'an. Et c'est pour ça que c'est, disons, une des causes qui a été. Qu'il a eu beaucoup d'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit yuridu bil buhayra madinati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tasghir bahra, comme on l'a dit, wa tasghir bahra, c'est-à-dire bien sûr lorsqu'on dit buhayra bahra qui devient ici avec le tal marbouta wa tasghir bahra. Donc on voit qu'il a voulu par là le terme madinatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et donc le terme qui a son origine buhayra qui veut dire la petite mer. On veut dire par là la ville. C'est encore un exemple. Il va nous donner également encore une autre preuve qui vient appuyer cela. Fi Sahih al-Bukhari également, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lil-A'rabi alladhi sa'alahu 'an al-Hijra. C'est-à-dire qu'il y a, lorsqu'on dit bien sûr le terme al-A'rabi, comme on l'avait déjà vu, ça veut dire la personne qui habite le désert, c'est-à-dire le bédouin, al-A'rabi. Ça ne veut pas dire, bien sûr, ne pas confondre avec Al-Arabi, c'est-à-dire l'arabe, la personne qui est arabe. Ici, Al-Arabi, c'est le bédouin, la personne qui habite le désert. Donc, un bédouin était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé à propos de quoi l'Hijra, à propos de l'exil. Et bien sûr, au moment où il lui a posé la question, cette question-là, Hasala Fath Mekka, c'est-à-dire qu'il y a eu que Mekka a été ouverte. Donc, vous savez bien que lorsque Mekka a été ouverte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, al-hijra, c'est-à-dire al-maqsoud bil-hijra, l'exil, c'est-à-dire de partir de la Mecque jusqu'à Médine, elle n'est plus devenue obligatoire. Et bien sûr, avant cela, elle était obligatoire. C'est une obligation de faire l'exil, de s'exiler de Mecca pour aller à Médine. Et cette hijra, qui est bien particulière, lorsque Mecca a été ouverte, et qu'elle est devenue sous le pouvoir des musulmans, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc concrétisé le tawhid dans cette région, dans la Mecque, alors à ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus lieu d'exil. Donc, ça a été fini, l'exil. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit à propos de cela, la hijrata ba'd al-fath. La hijrata ba'd al-fath. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exil après al-fath, après l'ouverture de la Mecque. Et bien sûr, l'exil ici, c'est cet exil bien précis qu'on a cité. Sinon, l'exil, c'est-à-dire al-hijratu min bilad al-kufr ila bilad al-islam, c'est-à-dire donc l'exil de la ville ou d'un pays mécréant jusqu'à pour aller dans un pays musulman, celle-là elle reste obligatoire jusqu'à là, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour dernier. Et donc à ce moment-là, il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa hal laka min ibl tu'addi sadaqataha. C'est est-ce que tu as des chameaux dans ta possession afin que tu donnes sadaqataha, c'est afin que tu donnes en fait l'impôt rituel qui est bien sûr ici la zakat. Qala na'am, il lui a dit oui. قال فاعمل من وراء البحار هذا هو الشهيد فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا فإن الله لن يترك من عملك شيئا المراد بالبحار المدن. Donc on voit que le prophète sallam lui-même il a utilisé le terme bahr, al bahr qui est bien sûr ici au pluriel, et le pluriel de bahr c'est al bihar. Et donc il a dit fa'mal min wara al bihar, c'est-à-dire travaille et fais tes œuvres de derrière les villes. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette expression, il veut dire où que tu sois, tes actions ne seront pas perdues auprès d'Allah Azzawajal. C'est pour ça ensuite qu'il dit fa'innallah lan yatrika. Et le terme lan yatrika, laissa lan yatruka, bel lan yatrika, et bimana yunqisaka, yunqisaka, c'est-à-dire Allah Azzawajal ne fera pas diminuer de tes œuvres quelque chose. Lan yatrika min amalika shay'an. C'est-à-dire lan yunqisaka min amalika shay'an, il ne fera pas diminuer tes actions, quoi que ce soit. Donc où que tu sois, tes actions ne seront pas vaines auprès d'Allah Azzawajal, elles ne seront pas diminuées. Allah Azzawajal te paiera, te récompensera d'une bonne récompense, d'une pleine récompense. Donc le prophète Salam, il a employé ici le terme min wara il bihar. Il a voulu par là, bien sûr, min wara al-mudun, c'est-à-dire de derrière les villes. Donc le terme al-bihar ici, qui est le pluriel, il a voulu dire par là al-mudun, qui est aussi le pluriel al-mudun de al-Medina, que l'on dit bien sûr à la ville, ou le pluriel qui est les villes. Les villes. Donc tout cela vient appuyer que le terme employé ici par Allah Azzawajal, ظهر الفساد في البر والبحر. Al-Maqsoud bil-Bahr, ce qu'on veut dire par le terme Al-Bahr, ce sont donc les villages, les villes, les cités, tout ce qui est habité en fait. Et son contraire qui est cité également ici dans le verset, Fil-Bar, El-Bar, c'est donc le désert, ou la région qui est inhabitée. Ensuite, il va passer à l'explication donc de la deuxième partie du verset. Donc on a expliqué ici, Zahar al-Fasadu fil-Bar wal-Bahr. Donc la corruption est apparue dans les contrées désertiques et dans les villes, dans les cités, à cause de ce que les gens accomplissent de leurs propres mains. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Fayaqul yaqul ash-shaykh wa qala fi ma'na dhuhur al-fasad fi al-barr wal-bahr. Donc il revient toujours à la parole de l'imam Shawkani dans son tafsir. Wa dhahir min al-ayati dhuhur ma yasihu itlaq ism al-fasad 'alayh. C'est-à-dire ici, il va nous dire que le terme al-fasad qui est traduit ici par la corruption. Qui est la corruption al-fasad? Ce qu'on dit al-fasad, c'est la corruption. Il comprend de manière absolue deux choses ici. Il nous dit: sawan kana raj'an ila af'ali bani adam min ma'asihim واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو راجعا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالكحك وكثرة الخوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان الثمار. طيب. Donc le cheikh, il nous dit ici, en rapportant donc la parole de l'imam Shawkani, que le terme al-fasad revient à l'acte ou aux actes des enfants d'Adam. Et il veut dire par là tout ce qui va toucher les péchés, tout ce qui va toucher l'injustice, le meurtre, etc. Tout ce qui rentre dans as-siyat, tout ce qui rentre dans les mauvaises actions, de manière générale. Ça, c'est al-fasad. Donc, il comprend, comme on a dit, le péché, le meurtre, l'injustice, etc. Donc, on comprend le verset, bima kasabat aydin nas, c'est-à-dire à cause de ce qu'on accomplit donc de leurs propres mains, les gens. Allah al-musta'an. Donc ici on voit que ça revient, al-fasad revient à cela. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Et ensuite, il va donc nous rappeler également, car dans la suite du verset liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Donc il dit que revient aw raj'an ila ma huwa min jihatillah, c'est-à-dire que ça revient également du côté d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Et comment cela? C'est-à-dire, bisabab dhunubihim. C'est-à-dire, à cause, al-fasad est advenu sur la terre. Et on veut ici, ma'na al-fasad, c'est-à-dire, il nous donne des exemples, comme la famine, comme la peur, comme la mort, comme la diminution des champs, nuqsan al-zara'ir, c'est-à-dire des champs de ce qu'on peut récolter, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de récolte, à cause de sécheresse, etc. Ou nuqsan al-thimar, c'est-à-dire al-thimar, ce qu'on trouve, tous les fruits que l'on peut trouver dans les arbres, etc. Donc également, à cause de la sécheresse et toute autre, il y a une cause. Donc ici, c'est considéré comme un façade, pour ce qui est de la famine, etc. Et ça, c'est du côté d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il fait descendre tout cela à cause, bisabab dhunubim, c'est-à-dire à cause du dhunub des gens. C'est pour ça, liyudhiqahum بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc on voit que al-fasad revient donc aux gens, ou af'al al-nas, c'est-à-dire revient à l'acte, aux actes des gens, et qui se traduit donc par le péché, le meurtre, l'injustice, etc. Tout ça s'appelle fasad. On appelle cela fasad. Donc ça, c'est par rapport aux gens. Et également, on appelle cela fasad par rapport ou du côté d'Allah Azza wa Jal. Bimarna, comment on va comprendre la signification de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il va causer sur la terre famine, il va causer la peur, la mort, etc. Comme on l'a expliqué, la diminution des récoltes, etc. À cause de quoi? À cause justement de ces péchés-là. Donc al-fasad, ce terme al-fasad revient à ces deux significations. Et on va voir que l'imam Ibn Kathir, comme nous rappelle le Shir, donc il revient également à cette signification. بِأَنَّ النَّقْسِ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ بِسَبَبَ الْمَعَاسِي. C'est-à-dire que tout ce qui va advenir sur la terre, comme la diminution des biens, c'est-à-dire de façon générale de ce qui est de la récolte dans les champs, de ce qui est dans la récolte dans les arbres, etc., c'est donc à cause du sabab al-ma'as, à cause des péchés. Et il nous rappelle une belle parole de Abu al-Aliya qui nous dit: Man asa Allah fil ard faqad afsada fil ard li'anna salah al-ard was-sama'i bit-ta'a. Il nous dit Abu al-Aliya: Man asa Allah, celui qui a désobéi Allah azza wa jal sur la terre, faqad afsada fil ard, c'est-à-dire qu'il a fait acte de détérioration, de déprédation, de méfait sur la terre. Li'anna salah al-ard, c'est-à-dire au contraire, parce que la conservation ou la protection, l'intégrité de la terre et des cieux ou du ciel, لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة, se fait et s'obtient par l'obéissance. Donc si quelqu'un, ou من عصى الله, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal sur la terre, a donc fait acte de détérioration, de déprédation, de méfait sur la terre. Pourquoi? لأن صلاح الأرض, parce que la conservation donc, la protection, l'intégrité de la terre et du ciel, elle s'obtient, ça s'obtient par At-ta'a, par l'obéissance. Ensuite, il va nous rapporter également, pour nous faire voir l'importance des gens qui commettent al-fasad sur la terre, c'est-à-dire la corruption. Il nous rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi, qui se trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. فيقول الشيخ وفي الصحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, un funérailles est passé devant le prophète sallam. Murra alayhi bi janaza. قال. Et à ce moment le prophète sallam il a dit mustarih wa mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu. C'est-à-dire mustarih, la personne qui se repose. Et wa mustarahu minhu, la personne dont on se repose de lui, celui dont on s'est reposé de lui. Donc à ce moment-là, les compagnons, ils ont voulu savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu. C'est-à-dire quel est celui qui est reposé, qui se repose, et celui dont on s'est reposé. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, al-abdul mu'min, c'est-à-dire l'homme croyant, le serviteur croyant. Yastarihu min nasabi dunya wa adaha, c'est-à-dire qu'il se repose de la fatigue de la dunya, de cette dunya, et de ses méfaits, de ses préjudices. Wa adaha ila rahmatillah azza wa jal, pour donc aller où, pour se diriger où, vers la miséricorde d'Allah azza wa jal. Wal abdul fajir, c'est-à-dire le serviteur qui est lui, hein, fajir, c'est-à-dire un pervers, al-fajir, un pervers, celui donc qui fait le façade, ici le marna qui fait le façade, il amal le façade, celui qui fait donc la détérioration, qui provoque, qui est auteur, qui est sujet de la détérioration, Allah al-musta'an. Yaqul yastarihu minhu al-ibad wal-bilad wal-shajar wal-dawab, c'est-à-dire il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes, al-bilad, les contrées, al-shajar, les arbres, wad-dawab, c'est-à-dire les bêtes et les animaux, se reposent de cette personne, sont enfin reposés de cette personne. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus affaire à quoi? À sa corruption, à son façade. Wallah al-musta'an. Et le shir donc, pour continuer l'explication, il va nous donner donc un autre verset du Coran qui vient dans le même sens. Donc il fait une explication du Coran par le Coran. Et il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمِثْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. C'est-à-dire فَإِنْ تَوَلَّوْا, c'est donc s'ils se détournent, فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Alors sache qu'Allah Azza wa Jal veut les atteindre بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, c'est-à-dire الْبَا ici, الْبَا السَّبَبِيَة, الْبَا السَّبَبِيَة, بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, c'est-à-dire à cause de certains de leurs péchés. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Donc s'ils se détournent, alors sache qu'Allah Azza wa Jal a voulu les atteindre à cause de certains de leurs péchés. وقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة. ce qui vous a atteint parmi les malheurs. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما يعني بما c'est ici également بي السببية فبما كسبت أيديكم, c'est donc à cause de ce qu'a accompli vos mains. Et il pardonne sur beaucoup de choses. Donc voilà deux versets qui nous citent le shirk et qui viennent appuyer ou qui viennent encore plus éclaircir ma'na qawlillah azza wa jal liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ensuite le shirk il passe à une autre ou à un autre verset et donc une autre sourate, parce qu'on s'aperçoit que le shirk maintenant pratiquement pour chaque sourate, il prend simplement un verset. Donc la prochaine sourate, c'est sourate Luqman. Et le verset étudié, c'est le verset 10. Yaqul al-shir. Qawluhu ta'ala. Khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Donc ça c'est le verset 10 sourate Luqman. خلق السماوات بغير عمد ترونها. Il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir. وألقى في الأرض رواسيا. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre. أن تميد بكم. Pour l'empêcher de basculer avec vous. Un tami d'abikum. Wabatha fiha min kulli dabba. Il a propagé des animaux de toute espèce. Wanzalna minasama. Et du ciel. Wanzalna minasama ima fa'anbatna fiha min kulli zawjin karim. Et du ciel nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives. Par couple de toute espèce. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان كمال قدرة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض وما بث فيها من الدواب وأخرج منها من الأرزاق مما ينزله عليها من السماء من المطر. Donc il nous dit que dans ce verset il apparaît la parfaite puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création des cieux et de la terre, et dans ce qu'il a propagé comme animal de toute espèce, et également, comme on voit dans le verset, ce qu'il a fait descendre des cieux comme ou du ciel, ce qu'il a fait descendre du ciel comme eau, et que cette eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives, c'est-à-dire de par cette eau, nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Ensuite, le shir yaqul wa qawlu bi ghayri 'amadin tarawnaha. Donc il va nous expliquer maintenant la parole, cette parole là d'Allah Azza wa Jal, dont le sens ou la traduction du sens, il a créé des cieux ou il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir. Il nous dit qil innahu nafi lil qayd dun al muqayyad wal ma'na anna laha 'amadan lakinna la tara aw la tura wa qil innahu nafi lil qayd wal muqayyad wal ma'na annaha marfu'atun bighayri 'amadin mar'iyatin aw ghayri mar'iyatin. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل في سورة الرعد والله الذي رفع السماوات بغير عمد من ترونها. طيب le cheikh il va nous expliquer ici qu'il y a deux avis par rapport à l'explication de ce verset. Donc on voit bien que l'explication, ou plutôt la signification, parce qu'on s'aperçoit bien que lorsqu'on donne la traduction d'un sens du verset, automatiquement, lorsqu'il y a deux significations, on va être obligé de choisir une signification. Donc il apparaît dans le Coran que l'on lit et qui est traduit, automatiquement un choix qui va être fait par rapport à la signification. Comme on a vu auparavant, le verset auparavant, on a vu qu'il y avait un irtilaf et que même la plupart des savants avaient donné l'avis pour ce qui était du terme al-bar ou al-bah. Et lorsqu'ils ont fait donc, ils ont traduit, ils ont pris en fait l'avis qui était le moins propagé chez les savants, si on peut dire comme ça, ou on va dire l'avis qui est le moins fort. Mais c'est quand même un avis. C'est-à-dire que certains savants ont donné cet avis. Donc on voit bien qu'il apparaît dans la traduction un choix au niveau de la signification. Bireyri Amadin Tarawna. Donc ils disent, il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir. Innauna fil qaidun al muqayyad. Ici, le qaid, qui est un terme qu'on peut traduire par lien, ce qui restreint, ce qui lie, etc. Ou al muqayyad. Al muqayyad, ce qui est lié. C'est-à-dire ce qui est restreint lui-même, ce qui est lié, ce qui est restreint. Ala kulli hal, pour simplifier la compréhension de cette parole du shir. Innauna fil qaid dun al muqayyad. Al qaid, il veut dire par là. Al-ru'ya dun al-muqayyad, wal-muqayyad il veut dire par là l'amad, c'est-à-dire donc il veut dire par le qaid ce qu'on voit, et al-muqayyad c'est-à-dire l'amad, c'est-à-dire les piliers. Wal-ma'na, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Anna laha amadan lakinna la tara, aw la tara. Donc dans la première signification, ou le premier avis au niveau de la signification de ce verset, c'est que là, le ciel ou les cieux, ils ont des piliers, ils ont bel et bien des piliers, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par des piliers, c'est sûr, mais on ne peut les voir. C'est-à-dire nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut avoir accès à la vision de ces piliers. Ça, c'est donc tout simplement ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « Inna unafi al-qaid dun al-muqayyad ». Donc, on voit bien qu'ici, il y a négation de ce que l'on peut voir, mais il y a bien l'affirmation qu'il y a la présence de quoi. Donc ici, le muqayyad qui est al-amad, et qui sont donc les piliers. وَقِيلْ إِنَّهُ نَفِي لِلْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَرْفُوعَةٌ بِغَيْرِ عَمَدٍ مَرْئِيَةٍ أَوْ غَيْرِ مَرْئِيَةٍ. طيب. Il nous dit, donc le deuxième avis, c'est ici la négation donc de la vision, et également de ici le muqayyad, donc on a dit qu'il revenait à l'amad, c'est-à-dire des piliers. Tout simplement, donc al-ma'na, c'est-à-dire que les cieux sont élevés sans pilier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilier que l'on puisse voir ou que l'on ne puisse pas voir. Il n'y a pas de pilier qui retienne les cieux. Donc on a bien compris maintenant la différence. Dans le premier avis, c'est qu'il y a des piliers, mais ces piliers-là, on ne peut pas les voir. Des piliers qui retiennent le ciel. Et dans le deuxième avis, c'est qu'il n'y a pas de pilier. Des piliers qu'on pourrait voir ou des piliers qu'on ne pourrait pas voir. Il n'y en a pas à l'origine. Donc c'est ça l'explication que nous donne le shir. Il va nous citer un verset qui va dans le même sens. Le sens de ce verset, qui fait surat al-Ra'd, le tonnerre, et qui est le verset 2. Wallahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Wallahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Donc on voit également que c'est là même signification. Allah est celui qui a élevé les cieux sans pilier visible. Sans pilier visible. Donc ici c'est pareil. Eshmarna biri amadin tarona. Est-ce tout simplement des piliers? Ils existent bien ces piliers, mais on ne peut pas les voir. Ou c'est des piliers qui n'existent même pas. C'est des piliers qu'on pourrait voir ou qu'on ne pourrait pas voir. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas existants. Ils ne sont pas présents. Et on va voir qu'il nous rapporte la parole de Ibn Kathir par rapport à ce verset, et il va tout simplement, lui, Ibn Kathir, il va donc choisir le deuxième avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilier à la base, qu'il n'y a pas de pilier qui soutiennent donc le ciel, qui soutiennent le ciel, il n'y en a pas, il n'y a pas de pilier qu'on pourrait voir ou qu'on ne pourrait pas voir. Donc il prend, lui, le deuxième avis, Ibn Kathir. Il va nous dire que c'est en apparence l'explication, ou plutôt le sens d'un autre verset qui est dans le Coran et qui est la parole d'Allah Azzawajal la suivante. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك. جميل. Donc il nous dit, cette sourate, ou ce verset, ça se trouve de sourate Al-Hajj, et c'est le verset 65. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf avec sa permission. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf avec sa permission. Illa bi'ivni. Illa bi'ivni. Donc on voit qu'Allah Azzawajal, c'est lui bien sûr, subhanahu wa ta'ala, qui retient le ciel de ne pas tomber sur la terre. Comme hadha wa dhahir al-aya, c'est en apparence ce verset. Donc ici bila amadin, sans qu'il n'y ait donc de pilier. Et il va nous dire par rapport à cela que c'est la parole de Qatada. Ça donc c'est pour cet avis. Si maintenant on donne bien sûr ou on désigne ceux qui ont dit ces deux avis. Et pour ce qui est du premier avis, c'est-à-dire que la Ahmed, walakin la Torah, c'est-à-dire qu'elle a bel et bien des piliers mais qu'on ne peut voir, c'est l'avis de Ibn Abbas, de Mujahid, Wal Hassan et d'autres. Mais ça a été également rapporté par Qatada que ou qu'il est l'auteur du deuxième avis. C'est ce que nous rapporte Ibn Kathir. Et donc à ce moment-là, comment on va comprendre, si on prend cet avis, le deuxième avis, donc il n'y a pas de pilier, comment on va comprendre le terme taraunaha, biwayri amadin taraunaha, il nous dit taqidan li nafi dhalik. C'est-à-dire cela vient insister, c'est donc de l'ordre de l'insistance qu'il n'y a donc pas de pilier. C'est-à-dire des piliers qu'on aurait pu voir ou qu'on n'aurait pas pu voir, il n'y en a pas. Dans les deux cas, il n'y en a pas. Et ensuite le cheikh Abdul Mohsin, il nous dit wa min kamali qudrati ta'ala al-khalqi wa rahmati bil makhluqin fi al-ard an thabbata al-ard bil jibali li alla tamid bihim wa tattarib. Il nous dit donc de la parfaite, ce qui rentre dans la parfaite puissance d'Allah Azzawajal par rapport à sa création et par rapport également par rapport à la création des créatures et également par rapport à ce qui est de sa miséricorde envers les créatures. Il nous dit an thabbata al-ard bil jibali alla tamid bihim wa tattarib. On voit ici dans le verset comme Allah Azza wa Jalla cite wa alqa fil ardi rawasi an tamid bikum. Et donc la traduction, le sens de la traduction, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Donc il nous dit li alla tamid bihim, il le traduit ici afin de l'empêcher de basculer avec vous. Donc de basculer, wattarib, nous dit le cher, c'est-à-dire d'être déstabilisé, de vaciller. Et il est vrai, donc, que dans ce verset, il nous cite un autre verset, et qui est le suivant, كما قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Et ça c'est في سورات النبأ, et c'est le verset 6 et 7. Et ce verset-là, il vient également expliquer le verset qu'on est en train d'expliquer, donc c'est tafsir Qur'an bil Qur'an également. Alam naj'alil arda mihada, n'avons-nous pas fait de la terre une couche, wal jibala autada, et placer les montagnes comme des piquets, donc comme des piquets. Et c'est vrai que maintenant, ceux qui font donc des études géologiques et qui étudient donc le phénomène géologique, ils s'aperçoivent que les montagnes, c'est pas seulement donc une montagne, ce que nous on voit, ce qui apparaît. C'est que là, la montagne, non seulement elle apparaît devant, c'est-à-dire à la surface de la terre, mais également elle se prolonge à l'intérieur de la terre. Et ce phénomène, ou le fait qu'elle soit donc, on voit bien ici le terme, wal jibal autada, comme des piquets. Donc un piquet, on voit bien, lorsqu'on, par exemple, on prend un piquet pour construire une tente, pour établir une tente, ce piquet-là, on rentre bien profond dans la terre. Donc il y a une partie qui apparaît, une grande partie également, qui ne va pas apparaître, qui se trouve donc en dessous de la terre, en dessous de la couche. Taïeb. Et donc, cela a pour but, comme c'est cité dans le verset, Antami dabikum. Yani bimana wa tattarib. Yani li alla tami dabihim wa tattarib. C'est-à-dire qu'elle se vacille, qu'elle se déstabilise. Et comme ils l'ont cité ici, qu'elle l'empêche, pour l'empêcher de basculer avec vous. Donc on voit ici que par rapport à ce phénomène ici, ou par rapport le fait que ce soit les al-jibal, que les montagnes soit placé comme des piquets, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la montagne elle-même qui se prolonge à l'intérieur de la terre, ça empêche donc que la terre, elle vacille, que la terre bascule. Taïb. Donc à partir de là, on s'aperçoit donc la sagesse d'Allah Azzawajal, et on s'aperçoit aussi, comme a dit le shir, Qudratu ou Rahmatu, c'est-à-dire la puissance d'Allah Azzawajal, et également la miséricorde d'Allah Azzawajal envers nous. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas eu ces djibels, s'il n'y avait pas eu ces montagnes, alors automatiquement la terre vacillerait. Elle serait une terre en fait qui serait instable. Et donc la fonction de ces djibels, la fonction de ces montagnes, donc, c'est de stabiliser cette terre. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est connu de nos jours, pour ceux qui ont étudié la géologie et qui étudient les phénomènes géologiques, on s'aperçoit bel et bien de la fonction de cette terre. Et c'est ce qui est cité en fait fil Qur'an, c'est ce qui est cité dans le Coran. ثم يقول الشيخ وكما خلق الأرض وجعلها مهادا. Donc comme on a cité, comme c'est cité donc dans le verset, n'avons-nous pas fait de la terre une couche. Et ensuite le shir donc il va nous citer également ce qui est cité ou ce qui est repris dans le verset, comme le fait qu'il a placé Allah Azza wa Jalla, qu'il a répandu beaucoup de bêtes dans notre intérêt, et donc par rapport aux bêtes, celles qu'on peut manger, celles dont on s'habille, c'est-à-dire qu'on prend de la fourrure et qu'on s'habille, etc. Donc que des ni'mas qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné, et également par rapport à ce qu'il a fait sortir de la terre pour nous, comme risque, c'est-à-dire comme subsistance. Wallahu Akbar, Subhanallah. Yani toute cette miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée, et on voit donc également par rapport au verset qu'on a étudié précédemment, que beaucoup, et sinon le plus de gens, sont ingrats envers leur Seigneur, et qui commettent le façade avec toute cette rahma, toute cette miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait part. Wallahu Al-Musta'an. Et pour ce qui est, simplement faire une petite parenthèse, et qui est un point qui est également important, pour ce qui est donc, on a cité ici une chose que le Coran a cité, et qui donc, de nos jours, ni par la science moderne, on a pu s'apercevoir, comme donc ce phénomène géologique qu'on a cité, et qui sont donc le fait que les montagnes sont comme des piliers, et que leur partie inférieure contribue donc à la stabilité du globe terrestre. Ça, c'est quelque chose donc qui nous est cité dans le Coran de manière très évidente, et bien sûr dans ce sens il y a beaucoup de versets du Coran, alhamdoulilah, comme par exemple la création également de l'homme, et en y les différentes étapes de la création de l'homme qui sont citées dans le Coran et qui sont citées également dans la sunnah du prophète de façon très précise. Donc on voit bien, alhamdoulilah, alhamd, c'est à dire que le Coran, c'est bel et bien la parole d'Allah Azzawajal. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est-à-dire que ceux-là sont des preuves, sont considérés comme des ayats, c'est-à-dire comme des signes de la part d'Allah Azzawajal dans son Coran. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est-à-dire de certaines personnes ou dans certains livres, c'est-à-dire qu'ils s'élargissent à ce sujet. C'est-à-dire qu'ils font, comme on peut voir, ils font un tafsir al-asri, ou tafsir ilmi, c'est-à-dire dans le sens qu'ils veulent, ils font par exemple un tafsir qui est simplement basé sur tout ce qui est apparu de nos jours et qui est totalement en harmonie avec ce qui est cité dans le Coran. On s'aperçoit que beaucoup de gens, malheureusement, dans ce domaine-là, se sont écartés. Et il faut savoir que nous, notre compréhension, la compréhension du Coran et de la Sunna, on la reprend bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On la reprend des sahabas, et on la reprend bien sûr des tabi'in, ceux qui ont pris des compagnons. Et les compagnons qui ont bien sûr, qui l'ont eux pris leur l'explication du Coran, le tafsir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on explique le Coran suivant leur explication à eux. Et si bien sûr il y a des versets qui sont, et ça il n'y a aucun doute par rapport à ça, des versets qui sont totalement en harmonie avec ce qu'on aurait pu trouver ou ce que les recherches modernes puissent nous prouver, alhamdoulilah, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Le musulman, il n'a pas besoin de ça à la base, mais c'est bien sûr pour renforcer son iman. Et dans le Coran, il y a beaucoup de signes. Mais par contre, chercher dans le Coran, à chaque verset, ce qui pourrait être en harmonie avec ce que l'on a trouvé ou certaines recherches que l'on a fait de notre temps, pourquoi ? Parce qu'il peut arriver beaucoup de choses qui vont être très très néfastes par rapport à cela. C'est-à-dire que, comme vous savez, sans entrer dans les détails, mais pour donner un exemple, vous savez que beaucoup de savants ou des savants dans les différentes matières comme la géologie, etc., eux, ils mettent des thèses. Ils émettent des thèses ou par rapport à la cosmologie, etc. Ils émettent des thèses. C'est des thèses qu'ils émettent, ce qu'on appelle yani al-nazariyat. C'est des thèses, des théories. Et ces théories-là, ensuite, ils vont faire par rapport à ces théories ce qu'on appelle des tajruba, c'est-à-dire des yani tajruba, c'est-à-dire ils vont faire des expériences pour ensuite prouver que cette théorie elle est bel et bien bonne. Voyez, il se peut que cette théorie, au bout d'un siècle plus tard, ou au bout de 500 ans, ou au bout de 200 ans, elle soit plus correcte. C'est-à-dire qu'on a fait d'autres recherches et qu'on s'est aperçu que cette théorie n'est plus correcte. Alors comment maintenant prendre cette théorie et essayer de chercher dans le Coran quelque chose qui serait en relation avec cette théorie, alors que cette théorie peut-être elle n'est même pas bonne. Wallah al-musta'an. Donc c'est pour ça, c'est s'élargir dans ces choses-là, ce n'est pas quelque chose qui est demandé. Et ce n'est pas une chose que les savants ont faite, les savants de la sunna et du consensus ont faite. Mais bien sûr, prouver, et comme on l'a cité ici, d'après les versets Waljibal et Autada, des choses qui sont vahir, c'est-à-dire des choses qui sont apparentes, bien sûr, il n'y a pas de mal par rapport à ça. Et c'est bien sûr, le Qur'an, ayatullah, ce sont bien sûr les versets, ce sont des signes d'Allah Azzawajal. Mais comme on l'a dit, c'est-à-dire se spécialiser dans ces choses-là, et essayer de trouver à chaque verset ce qui pourrait, même yani, certains, on voit que certains prennent le verset, un verset qui a pour, où tous les salafs sont d'accord pour dire que ce verset-là, c'est le jour du jugement, c'est-à-dire après le jour du jugement, et eux, ils le placent ou ils l'expliquent suivant, c'est-à-dire avant le jour du jugement, et que c'est un signe qui est en relation avec une théorie émise, etc., etc. Allah al-Musta'an. Donc, dans ces choses-là, il faut bien sûr qu'il y ait des règles à ne pas dépasser, et toujours revenir, bien sûr, au tafsir des salafs, car eux, ils ont compris. Hum fahim al-Qur'an ala muradillah. Eux, ils ont compris le Coran comme Allah Azzawajal il a voulu. Parce qu'ils l'ont pris des compagnons, que ce soit par exemple les tabi'in et ceux qui les ont suivis, et les compagnons l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hum a'lam bi tafsir al-Qur'an. Tayyib. Donc en fait, on voulait faire le verset suivant, surat al-Ahzab, et ça fait maintenant une heure de cours. Donc on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك